Les salutations. Scénette inédite. Premier monsieur, entrant et apercevant le second monsieur et le troisième monsieur. Bonjour, messieurs. Deuxième monsieur, entrant et apercevant le premier et le troisième monsieur. Bonjour, messieurs. Troisième monsieur, entrant et apercevant le premier et le deuxième. Bonjour, messieurs. Premier au deuxième. Heureux de vous voir. Comment allez-vous? Deuxième au premier. Merci. Et vous? Troisième au premier. Comment allez-vous? Premier au troisième. Chaudement. Et vous? Au deuxième. Froidement. Et vous? Troisième au premier. Agréablement. Et vous? Deuxième au troisième. Désagréablement. Et vous? Premier et deuxième au troisième. Et vous? Troisième. Drôlatiquement. Et vous? Deuxième au troisième. Mélancoliquement. Et vous? Premier au deuxième. Matinalement. Et vous? Deuxième au troisième. Crépusculairement. Et vous? Troisième au premier. Adipeusement. Et vous? Premier au deuxième. Acéphalement. Et vous? Deuxième au troisième. Agnostiquement. Et vous? Troisième au premier. Amphibiquement. Et vous? Premier au deuxième. Théoriquement. Et vous? Deuxième au troisième. Pratiquement. Et vous? Troisième au premier. Abstraitement. Et vous? Premier au deuxième. Concrètement. Et vous? Deuxième au troisième. Apoplectiquement. Et vous? Troisième au premier. Anémiquement. Et vous? Silence. Dans la salle, les spectateurs tout sautent. Soudain, le premier monsieur et le second monsieur s'adressent au troisième monsieur. Premier et deuxième au troisième. Et vous? Et vous? Troisième monsieur. Ça va, adénitamment, arthritiquement, astéroïdamment, astrolabiquement, atrabilairement, balaléicament, baobabament, basculament, bisextilement, cacologiquement, calipigeusement, caniculeusement, capiscoliquement, carcassiquement, caronculeusement, cartilagineusement, castapianeusement. Une spectatrice dans la salle. Ce sont des vers. Le troisième monsieur continuant. Cataplasmiquement, catétométrement, charabianeusement, le voisin de la spectatrice à l'oreille de celle-ci. Tout le monde peut en faire autant. Le troisième monsieur continuant. Chipolateusement, cholérageusement, circolocutoirement, cirrhosiquement, cochoniquement. Troisième spectateur dans la salle au spectateur voisin de la spectatrice. Essayez donc, ce n'est pas si facile. Troisième monsieur continuant. Concatétationneusement, contrepétamment, crépineusement, cucurbitacieusement, décrépiteusement, déflagrationneusement. Premier spectateur dans la salle. On n'a qu'à copier le dictionnaire. Troisième spectateur. Dans ce cas, on peut dire que tous les mots se trouvent dans le dictionnaire. Troisième monsieur. Diarrhéiquement, diastasiquement, dichotomiquement, diurétiquement, dodécaédriquement, draconculeusement, ectoplastiquement. La spectatrice dans la salle. Ce n'est pas facile pour le comédien. Troisième monsieur. Empuatissamment, endosmatiquement, éructationneusement, épinéteusement, euphoriquement, extatiquement, faramineusement. Premier spectateur dans la salle. C'est un prétexte pour un jeu d'acteur. La spectatrice. Il mime bien. Deuxième monsieur prend la relève du troisième monsieur. Le deuxième et le premier monsieur continuent de demander au deuxième monsieur. Et vous? Et vous? Et vous? Deuxième monsieur, féculeusement, foireusement, fifrelineusement, fichrement, flegmatiquement, floriféramment, folâtrement, formidablement. Les trois spectateurs. Oh, ça c'est fort. Puis c'est au tour du premier monsieur. Premier monsieur, fouchtrament, fougasseusement, fripouilleusement, frénétiquement, funèbrement, furonculeusement, gagateusement, gallimasiatiquement, gallinacéiquement, gallophobiquement, ganglionnairement, gangréneusement, gargouilleusement, gastralgiquement. Puis soudain, le premier monsieur se tourne vers le deuxième monsieur. Premier monsieur, et vous? Ralentissement du mouvement. Deuxième monsieur, gastéropodiquement, au troisième, et vous? Troisième monsieur, gaudrioleusement, au premier, et vous? La spectatrice dans la salle. Les mots sont tout de même bien choisis. Premier monsieur, génitalement, au deuxième, et vous? Premier spectateur dans la salle, à la spectatrice. Je ne trouve pas qu'il soit bien choisi. Deuxième monsieur, génétiquement, au troisième, et vous? Troisième monsieur, glycérineusement au premier, et vous? Deuxième spectateur au premier spectateur dans la salle. Qu'est-ce qu'il vous faut alors ? Premier monsieur, gonococeusement au deuxième, et vous ? Deuxième monsieur, gyrécéiquement au troisième, et vous ? Troisième monsieur, gyrovaguement au premier, et vous ? Premier monsieur, harmonieusement, très harmonieusement au deuxième, et vous ? Le rythme s'accélère de nouveau. Deuxième monsieur au troisième, et vous ? Troisième au premier, et vous ? Premier au deuxième, et vous ? Deuxième au troisième, et vous ? Troisième au premier, et vous ? Premier au deuxième, et vous ? Deuxième au troisième, et vous ? Troisième au premier, et vous ? Premier au deuxième, et vous ? Deuxième au troisième, et vous ? Troisième au premier, et vous ? Premier au deuxième, et vous ? Les trois personnages se séparent. Chacun de son côté se demande un doigt sur sa propre poitrine. Et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous. Dans la salle, les spectateurs se lèvent. Les trois spectateurs. Et nous, et nous, et nous, et nous, et nous, et nous. Les trois messieurs et les trois spectateurs ensemble. Comment allons-nous ? Comment allons-nous ? Pause. Premier monsieur, nous allons merveilleusement, nous nous portons ionescamment. Fin de la scénette. La jeune fille à marier, scénette. Personnage, le monsieur, la dame, la fille. La dame a un chapeau avec une grande épingle et des fleurs, un sac à main, une longue robe et une jaquette violette. Le monsieur a une redingote, un faux col, une barbe blanche, une cravate noire et des manchettes. Sur un banc dans un jardin public. La dame. Je puis vous dire que ma fille a brillamment terminé ses études. Le monsieur. Je ne le savais pas. Je m'y attendais. Je savais que c'est une courageuse enfant. La dame. Je n'ai pas eu à m'en plaindre comme tant d'autres parents. Elle nous a toujours donné parfaite satisfaction. C'est tout à votre honneur, vous avez su l'élever. C'est bien rare, les enfants modèles, surtout à notre époque. La dame, en effet. Le monsieur, de mon temps, les enfants étaient beaucoup plus obéissants, plus attachés à leurs parents, dont ils comprenaient les sacrifices, les soucis, les difficultés matérielles. D'un autre côté, il vaut mieux qu'ils les ignorent. La dame, d'accord. Ils étaient aussi beaucoup plus... Ils étaient aussi beaucoup plus nombreux. En effet, il paraît que la natalité baisse en France. Il y a des hauts et des bas. En ce moment, elle aurait plutôt tendance à remonter. Mais cela ne peut combler les années maigres. Certainement pas. En effet, c'est le cas de le dire. Pensez donc. Que voulez-vous ? Les enfants sont durs à élever par les temps qui courent. En effet, à qui le dites-vous ? La vie est de plus en plus chère. De quoi n'ont-ils pas besoin ? Qu'est-ce qu'il ne leur faut pas ? Où allons-nous ? Aujourd'hui, seule la vie humaine est bon marché. D'accord. Ah là là, ça c'est bien vrai alors. Vous avez tout à fait raison. Le monsieur, il y a les tremblements de terre, les accidents d'auto et de toutes sortes de véhicules, les avions, les maladies sociales, les suicides volontaires, la bombe atomique... Ah, celle-là, alors ? Il paraît qu'elle nous a changé le temps. Les saisons, on ne sait plus ce que c'est. Ça a tout bouleversé. S'il n'y avait que ça encore, mais tenez, regardez, vous savez ce que j'ai entendu dire ? Oh, on dit tellement de choses, il fallait croire tout ce que disent les gens. C'est vrai, ça. On n'en finirait plus. En effet. Les journaux aussi, c'est menteur, c'est menteur, c'est menteur comme tout. Faites comme moi, madame. Ne vous fiez à personne, ne croyez rien... Ne vous laissez pas bourrer le crâne. D'accord. Mieux vaut pas. En effet. Décidément, vous êtes de bons conseils. Vraiment. Oh, j'ai un peu de jugeote, voilà tout. D'accord. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Aujourd'hui, voyez-vous, madame, les plaisirs, les distractions, les émotions fortes, le cinéma, les impôts, les discothèques, le téléphone, la radio, l'avion, les grands magasins. Ah oui, c'est le cas de le dire. Les prisons, les grands bouleversements. La sécurité sociale et tout, tout, d'accord. Tout ce qui fait le charme de la vie moderne, tout cela a changé l'humanité à tel point qu'elle en est devenue méconnaissable. Ce n'est pas à son avantage, c'est le cas de le dire. Pourtant, madame, il serait vain de nier le progrès que l'on voit progresser tous les jours. D'accord, dans la technique, la science appliquée, la mécanique, les lettres et les arts. Certainement, il faut être juste. C'est pas beau d'être injuste. On pourrait même aller jusqu'à dire que la civilisation évolue sans arrêt, en un sens favorable, grâce à l'effort commun de toutes les nations. C'est exact. J'étais pour vous le dire. Que de chemins parcourus depuis nos ancêtres qui vivaient dans les cavernes, se dévoraient entre eux et se nourrissaient de peaux de mouton. Que de chemins parcourus. Ah oui, alors, et le chauffage central, monsieur, que dites-vous du chauffage central? Est-ce que ça existait dans les cavernes? Tenez, chère madame, quand j'étais petit enfant, c'est mignon à cet âge-là, je vivais à la campagne. Je me rappelle, on se chauffait encore au soleil, hiver comme été. On s'éclairait au pétrole, c'est vrai qu'il coûtait moins cher à cette époque, et parfois même à la chandelle. Aujourd'hui encore, ça arrive quand il y a des pannes de courant. Mais la machine, elle aussi, est imparfaite. Elle a été inventée par l'homme. Elle a tous ses défauts. Ne me parlez pas des défauts des hommes. Allez, ah là là, je connais ça. Ils ne valent pas plus que les femmes. Ils se ressemblent tous. Il n'y a pas le choix. Bien entendu. Mais alors, pourquoi demander à l'homme d'accomplir des efforts dont la machine elle-même est incapable? Je n'y avais pas pensé. Je vous l'avoue. Oui, en y réfléchissant bien, c'est possible après tout. Pourquoi pas? Voyez-vous, madame, l'avenir de l'humanité est dans le futur. Pour l'animal et la plante, c'est tout le contraire. Pourtant, il ne faut pas croire que la machine est un deus ex machina qui remplacerait le progrès et Dieu sans le moindre effort de notre part. Au contraire, madame, je n'ai pas dit ça. Au contraire, dis-je, l'homme est encore la meilleure machine humaine. C'est l'homme qui dirige la machine, car c'est lui l'esprit, c'est le cas de le dire. Et la machine, c'est la machine, sauf pour la machine à calculer qui calcule toute seule. C'est vrai, ça. Elle calcule toute seule. Votre remarque est très juste. Ce n'est qu'une exception qui confirme la règle. Tenez, on parlait tout à l'heure de pétrole, de chandelle. On avait un œuf pour un sou en ce temps-là. Pas un de plus. Pas possible. Vous me croirez si vous voulez. Je ne mets pas en doute votre parole. On dînait pour 20 sous. La nourriture ne coûtait rien à cette époque. Ce n'est plus pareil. On avait une paire de bonnes chaussures et du bon cuir pour 3 francs 75 centimes. La jeunesse aujourd'hui ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas son bonheur. Les jeunes sont si ingrats. Aujourd'hui, madame, tout nous revient 1000 fois plus cher. Peut-on affirmer dans ce cas que la machine est une invention heureuse et que le progrès est bon? Certainement pas. Vous allez me dire qu'il y a le bon et le mauvais progrès, comme il y a le bon et le mauvais juif, le bon et le mauvais allemand, les bons et les mauvais films. Oh non, c'est pas moi qui dirais ça. Pourquoi pas? Vous pouvez le dire, c'est votre droit. D'accord. Je respecte toutes les opinions. J'ai des idées modernes. C'est pas pour rien qu'il y a eu la Révolution française, les croisades, l'Inquisition, Guillaume II et les papes, la Renaissance, Louis XIV et tant de sacrifices inutiles. On a payé assez cher le droit de dire tout ce qui nous passe par la tête sans qu'on se moque de nous. En effet, nous sommes chez nous. Il faudrait pas qu'on vienne nous embêter dans notre propre demeure. Et Jeanne d'Arc, vous êtes-vous demandé ce qu'elle dirait si elle voyait tout ça? Je me le suis demandé plus d'une fois. La TSF, elle qui habitait une vieille chaumière, elle ne la reconnaîtrait pas avec toutes ces transformations. Oh, certainement pas. Elle ne la reconnaîtrait pas. Elle la reconnaîtrait peut-être quand même. À vrai dire, oui, elle la reconnaîtrait peut-être quand même. Dire qu'elle était brûlée vive par les Anglais qui sont devenus nos alliés par la suite. Qui l'eût cru? Il y a aussi les bons Anglais. Il y a surtout les mauvais. Si vous croyez que les Corses sont meilleurs, je n'ai pas voulu dire ça. Pourtant, au moins, les Corses servent à quelque chose. Ils sont facteurs. Qui nous apporterait notre courrier s'il n'y avait pas les facteurs? Ils sont un mal nécessaire. Le mal n'est jamais nécessaire. D'accord, c'est vrai ça. Ne croyez pas que je méprise le métier de facteur. Il n'y a pas de sot métier. Le monsieur se levant. Madame, vous avez prononcé là de grandes paroles. Elles méritent de passer en proverbe. Permettez-moi de vous féliciter. Voici la croix d'honneur. Il épingle sur la poitrine de la dame une croix d'honneur d'écolier. La dame, oh monsieur, je ne suis qu'une femme après tout. Enfin, mais si vous êtes sincère, je vous l'affirme, madame, la vérité peut jaillir de n'importe quel cerveau. Oh, vous me flattez. Le monsieur se rasseyant. Madame, vous avez mis le doigt sur le vice principal de notre société, que je déteste et condamne en bloc sans vouloir m'en désolidariser. Il ne faut pas. Notre société, madame, ne respecte plus les métiers. Voyez l'exode des campagnards vers les villes tentaculaires. Oui, monsieur, je vois. ne respectant plus les métiers, elle ne respecte plus l'enfant qui est, si vous ne trouvez pas cette expression trop forte, le petit de l'homme. Vous avez raison. Peut-être l'enfant ne sait-il plus, lui aussi, se fait respecter. Peut-être. Pourtant, on devrait respecter l'enfant, car s'il n'y avait pas d'enfant, l'espèce humaine dépérirait en peu de temps. C'est ce que je me disais. De manque de respect en manque de respect, on arrive à ne plus respecter la parole donnée. C'est terrible. C'est d'autant plus grave que la parole est divine, comme le verbe. On n'a pas le droit de s'en moquer. La dame, je suis parfaitement de votre avis. Tenez, j'ai voulu, pour cette raison, donner à ma fille une instruction solide, une profession respectable, afin qu'elle gagne honorablement sa vie par ses propres moyens et qu'elle sache respecter les autres en commençant par elle-même. Vous avez bien fait. Qu'a-t-elle appris? Elle a poussé très loin ses études. J'ai toujours rêvé d'en faire une dactylo. Elle vient d'obtenir son diplôme. Elle aura un engagement dans un bureau de prévarication. Le monsieur, elle doit être fière et contente. La dame, elle danse de joie du matin au soir. Elle a tellement travaillé, la pauvre petite. Elle a la récompense de son labeur. Il ne me reste plus qu'à lui trouver un bon mari. C'est une brave fille. La dame regarde du côté de la coulisse. Ah, tenez, voilà justement ma fille. Je vais vous la présenter. La fille de la dame entre. C'est un homme d'une trentaine d'années, forte moustache noire, costume gris. La fille, monsieur. Bonjour, maman. Il embrasse la dame. Le monsieur. Elle vous ressemble, madame, comme un crachat. La dame, au monsieur, fille. Va dire bonjour, monsieur. La fille, monsieur, après une révérence. Bonjour, monsieur. Le monsieur. Bonjour, ma petite. À la dame. Elle est vraiment bien élevée. Quel âge a-t-elle? La dame, 93 ans. Le monsieur, elle est donc majeure? La dame, non, car elle nous doit 80 ans. Ça ne lui en fait plus que 13. Le monsieur, ils passeront aussi vite que les autres. Allez. À la fille, monsieur, ainsi donc vous êtes mineur? La fille, monsieur, oui, mais n'oubliez pas, à mineur, mineur et demi. Fin de la scénette. Le salon de l'automobile. Scénette. Personnage. Le monsieur. La demoiselle. Le vendeur. Bruit de basse-cour. Ouac, ouac, ouac, ouac. Cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote. Bonjour, mademoiselle. C'est bien ici le salon de l'automobile? La demoiselle. Oui, monsieur. Que voulez-vous que ce soit? Le monsieur. Excusez-moi, j'étais aveuglé par la lumière des phares. Tring! Vous les voyez? Ça sonne fort. Une fois habitué, monsieur, vous ne vous en apercevrez même plus. En un sens, c'est bien dommage. La demoiselle. Ne dites jamais « c'est bien dommage ». Dites « c'est plutôt dommage ». Il ne faut jamais parler ni écrire comme on lit. Le monsieur. Ou vice-versa. La demoiselle. Êtes-vous venu au salon de l'automobile pour prendre des leçons de français? C'est 6 francs pièce et une demi-ration de choucroute. D'autre part, on peut vous fournir un conseil d'administration composé de 9 membres rééligibles et un œuf. Non, mademoiselle. Merci beaucoup. Je ne suis venu au salon de l'automobile que pour acheter de l'automobile. Cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, crac. Cote, cote, cote, cote, cote, crac. Beuglement. Bah. Bah. Poule. Cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, crac. Cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, crac. La demoiselle. Au kilo? Le monsieur. Non, le morceau entier. La demoiselle. En ce cas, je vais vous présenter à mon collègue. Cherchons-le. Ce n'est pas la peine. Il est près de nous. Il nous suit comme une ombre. Il est entre nous. Le vendeur. Bonjour, monsieur. Le vendeur, c'est moi. Comme Louis XIV. Êtes-vous acheteur? Que voulez-vous acheter? Monsieur veut acheter de l'automobile. Le vendeur. Un automobile ou une automobile? Le monsieur. Les deux. Pour avoir le couple. Je n'aime pas désunir les ménages. La demoiselle, faites voir vos nouveaux modèles au monsieur. Le vendeur. Vous désirez des automobiles véritables, vérifiées ou verdâtres? Le monsieur. Mademoiselle, voulez-vous me prêter votre nez pour mieux voir? Je vous le rendrai à la sortie. Le voici. Gardez-le. Le monsieur. Merci, mademoiselle. Un bon nez vaut mieux que deux, tu l'auras. Le vendeur. Suivez-moi, monsieur. Le monsieur. Oui, mon ami. Comptez sur moi, moi. N'aboyez plus, monsieur. Voici notre premier modèle. C'est un Jean Racine à 15 roues. 15? Oui, 15, mais vous pouvez facilement en ajouter une quatrième. Ne le répétez pas, 15 roues n'en font jamais que 12, c'est connu. Le vendeur. C'est une bonne voiture, pincez-la. On entend des sons de trompette. Voyez, sa réaction est bonne. Puis-je pincer aussi celle-là? Essayez, monsieur, mais oui, essayez donc. Aïe, j'ai eu peur. Ah, je m'excuse, monsieur, ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est le taureau. Le monsieur, quel est son emploi? Le vendeur, ténor, pour remplacer une basse. La demoiselle, monsieur, rendez-moi mon nez, je ne peux plus me moucher. Le monsieur, le voici, votre nez, je vous le rends. Tout est rompu entre nous, ne comptez plus sur moi. La demoiselle, ah, dans quel état, mon pauvre nez, vous me l'avez décervelé. Le vendeur, continuons la visite, monsieur, si vous voulez. Oh, quelle belle voiture! Le vendeur, c'est une protéifère institutrice à 5 chevaux. Elle vaut combien? Ça dépend du prix. Celle-ci aussi me plaît beaucoup. Celui-ci, c'est un auto. Bruit d'un objet lourd tombant sur le parquet. La preuve. Le monsieur, a-t-il ses turgo-pertracteurs? Oui, monsieur. Il n'en manque aucun? Aucun, monsieur. Tous en bon état? Bien sûr, monsieur. Nous n'avons que de la belle marchandise. Vous pouvez vous en convaincre facilement. Allez-y. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Allez-y encore. Ouh. Vous voyez, les turgo-pertracteurs fonctionnent. N'ayez pas peur, monsieur. Le monsieur, puis-je? Je vous le recommande même. Taf, taf, taf, taf, taf, taf, taf, taf, taf. How do you do? Mince alors, ça coupe. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur? Ça m'a l'air d'une bonne voiture. Pardon, je veux dire d'un bon voiture. Il fonctionne bien. Je crains cependant qu'il y ait des enrayures dans les ficelles. Ça se voit assez souvent. Et confiance, monsieur, je vous garantis la marchandise. Ce auto est-il muni d'un appareil tétralogique? Comment, monsieur? Dispose-t-il d'un appareil tétralogique? Oh non, monsieur, c'est un bon système logique, non pas tétralogique. Ce n'est pas une voiture suédoise. Tout ce qu'il y a de plus français, c'est un modèle cartésien authentique. Ah ah. Les freins fonctionnent-ils à garantie fixe ou à plein pouvoir? Ça marche à pneumonie circulatoire. C'est la formule la plus récente. Voyez. Sonnerie, cloche, bruit de basse-cour. Ding-dang-dong, ding-dang-dong, ding-dang-dong, ding-dang-dong. Coq. Coq-coricoucou. Le monsieur. D'accord, parfait. Je l'achète, mais je veux la paire, n'oubliez pas. Bon, monsieur, je vais vous présenter à cette jeune voiture blonde. La demoiselle du magasin. Bonjour, monsieur, c'est moi, le vendeur. Elle a de jolis pneus, note de jazz. De bons coussins, de très belles jambes, marche militaire. Une taille fine, un moteur excellent, bruit d'un moteur défectueux. Un volant agréable, une carrosserie toute neuve, un sourire adorable, une irradiation personnelle. Le monsieur, oh mais je la connais, la reconnais, la coconnais, c'est la demoiselle de tout à l'heure et de toujours. Je vous l'achèterai bien, est-elle solide? Elle vous portera facilement, vous et 3 ou 4 autres personnes. Je la prends. Merci bien, monsieur. L'autre voiture aussi, monsieur? Oh non, je ferai moi-même l'automale. Le vendeur, comme vous voulez, monsieur. La demoiselle, alors, cher monsieur, je serai votre voiture? Merci, monsieur. Allumez mes phares et marions-nous tout de suite. Je suis prête. Vous avez les bagues? Bruit très fort de basse-cour. Poule. Crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, coq. Cocoricoucou. Cocoricoucou. Grenouille. Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. Dindon. Blou, blou, blou, blou, blou, blou, blou, blou, blou, blou, blou. Ouah. Non, c'est le jar plutôt. Le monsieur, dites-moi, vendeur, que viennent faire tous ces animaux au salon de l'automobile? Le vendeur, je ne sais pas, monsieur. Vive les mariés! La demoiselle, nous n'y manquerons pas. Fin de la scénette.